Chapitre 357. L'interdiction de brandir une arme, sérieusement ou en plaisantant, contre un musulman et de tendre un sabre dégainé. 1783. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Ne brandissez jamais votre arme contre votre frère musulman, car il se peut que Satan vous pousse à lui porter un coup, vous précipitant ainsi en enfer. » Al-Bukhari et Muslim. Dans une version de Muslim, Abul Qasim, l'un des surnoms du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui brandit une arme contre son frère musulman est maudit par les anges, jusqu'à ce qu'il l'abaisse, et cela même s'il s'agit de son frère de sang. » 1784. D'après Jabir, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a interdit de tendre à quelqu'un un sabre dégainé. Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan ».